La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. La tête. L'homme que je reçois cet après-midi est tellement amoureux des mots et des dictionnaires qu'il leur consacre une place considérable. Il possède en effet à son domicile une collection de 10 000 dictionnaires. Il est également à l'origine des journées du dictionnaire au mois de mars et l'auteur de centaines de publications et d'ouvrages sur les mots et leur histoire et l'évolution de leur définition. Ce véritable dicopathe publie ces derniers jours Les secrets des mots aux éditions de la librairie Vubert, un livre qui nous éclaire sur les mots valises, les anagrammes ou les antonomases. Cette histoire des mots est au cœur de notre tête au carré cet après-midi. Je reçois Jean Pruvot dans un instant. L'émission étant exceptionnellement enregistrée, nous ne pourrons pas recevoir vos messages comme d'habitude. Héloïse Rambert, bonjour. Bonjour Mathieu. Aujourd'hui à la Une de la Science, Héloïse, une étude qui affine les connaissances que nous avons sur la formation de la Terre et son évolution là aussi. Oui, aujourd'hui on parle d'une étude qui suggère que l'impact géant reçu par la Terre qui aboutit à la création de la Lune aurait aussi apporté notre planète des éléments chimiques indispensables à la vie. Eh bien on en sait plus dans un instant. Céline Hila réalise cette émission qui a été préparée aujourd'hui par Irène Menahem. La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard. Bonjour Jean Pruvot. Bonjour. Bienvenue dans La Tête au Carré. Vous êtes notre invité cet après-midi pour la sortie de votre nouveau livre Les secrets des mots qui paraît à la librairie Vubert. Pourquoi écrivez-vous que les mots sont par essence secrets ? Alors déjà, le mot secret se disait segret, donc ça montre bien qu'il cache quelque chose et que, en définitive, quand on s'intéresse à leur histoire, on s'aperçoit qu'il y a des sens qui ont bougé, qu'il y a des mots qui ont été oubliés, qu'il y a des mots qui se marient, qu'il y a des mots qu'on croit être morts, mais ils ne le sont pas tout à fait. Donc il y a vraiment beaucoup de secrets, et dès qu'on commence à s'intéresser domaine par domaine au lexique, eh bien on est émerveillé, c'est une sorte de boîte au trésor. Pourquoi des mots féminins deviennent masculins, masculins deviennent féminins? Bon, là aussi, pourquoi? Et donc, il y a des réponses, mais ça suppose d'aller rechercher, un peu comme dans une caverne d'Ali Baba, un certain nombre de clés. Alors, j'essaie de donner ces clés. Ouais, les mots seuls, finalement, ça ne veut rien dire, hein, parce qu'ils sont toujours accompagnés de leur histoire. Hein. Mathieu, c'est exactement ça. Un mot comme « mais », on pense qu'il n'a rien à dire, puisque on a bien juilletiste, aoûtien, mais bon, on n'a pas « mais » quelque chose. Et pourtant, il y a des dizaines de sens au mot « mais » qui ont été oubliés, dont le chant de mai, par exemple, qui était l'ancêtre, dans le fond, des assemblées nationales pour les Gaulois. Est-ce qu'on peut imaginer que les premiers Homo sapiens, il y a 300 000 ans, donc au Maroc, avaient déjà des mots à eux spécifiques? Ah oui, bien sûr. Dès le début, il y a vraiment les mots qu'on a perdus, parce que ceux-là, on n'a pas de traces écrites, donc il n'y a aucun moyen de les reconstituer, ou très peu. Et puis, il y a des mots, où la trace écrite est là, et donc ils sont oubliés, à nous de les faire revivre, ou en tout cas, les redécouvrir. Mais l'homo sapiens, lui, avait d'abord un premier grognement, qui a donné le mot. C'est ce qu'il devait faire. Et ce grognement a donné le mot, mot. Oui. Mot vient d'un grognement, en fait. Mais ça, c'est pas les premiers homo sapiens, ça. Ah bah si, très probablement. Alors on n'est pas sûr évidemment que... Eux c'était des sons plutôt a priori. C'était des sons, oui. Alors notamment chaque fois qu'il s'agit d'exprimer quelque chose, à commencer par papa ou maman, on sent bien que ce sont souvent des onomatopées. C'est les premiers mots que peut dire, grognement dans le fond, mais au beau joli sens du terme, que peut dire un bébé. Alors me a donné maman et peu à donner papa. Ouais. Et donc, c'est presque universel, ça. Ouais. Donc ça, c'est peut-être une trace réelle, encore, presque génétique, lexicalement parlant, de l'homo sapiens. En tout cas, ils avaient tout ce qu'il fallait pour parler, c'est-à-dire le larynx, et puis les mains, les gestes, finalement, pour accompagner tout oui, cela. Oui, alors, le hasard, mais pas vraiment le hasard, la nécessité plutôt, a voulu que sans doute ce soit la parole qui l'emporte, parce que les gestes auraient très bien pu suffire, le langage des surmuets est très riche, mais on fait des gestes, et la nuit, ça ne se voit pas. Ouais. Donc, c'est le son émis par le larynx qui l'a emporté. Allez, on va parcourir ensemble les secrets des mots. Donc, ça sort à la librairie Vubert. Et Jean Pruvot, vous êtes notre invité. On se retrouve, bien sûr, dans un instant. Merci. Héloïse, aujourd'hui à la une de la science, eh bien nous remontons là aussi très très loin dans l'histoire, mais de notre planète. Cette fois-ci, il y a donc plus de 4 milliards d'années. Oui Mathieu, c'est à peu près à cette époque que la Lune s'est formée suite à un très gros impact entre un corps venu de l'espace et notre Terre. Mm-hmm. Dans une étude qui vient de paraître dans la revue Science Advances, des scientifiques avancent une hypothèse intéressante. Selon eux, cet impacteur aurait pu faire d'une pierre deux coups et aussi apporter à la Terre des éléments chimiques très importants. On en parle tout de suite avec Alessandro Morbidelli qui est au téléphone. Bonjour. Bonjour. Vous êtes astrophysicien et directeur de recherche au CNRS, à l'Observatoire de la Côte d'Azur. Alors, pour bien comprendre cette nouvelle étude, il faut d'abord rappeler que la Terre, elle n'a pas toujours été comme elle est aujourd'hui. Elle a gagné en masse, elle a été modelée par toutes sortes d'impacts. Expliquez-nous ça. Oui, bien sûr. Donc, la Terre est une planète aujourd'hui, une masse terrestre, mais au départ, les objets étaient plus petits. Et donc, il a fallu former la Terre par une séquence d'impacts. Alors, certains des impacteurs étaient relativement petits. On pense à des objets qu'on appelle des planétésimaux d'une taille de l'ordre d'une centaine de kilomètres. Mais sans doute, la Terre a reçu aussi des gros impacts, donc par des protoplanètes qui avaient une masse comparable à la masse de Mars. Effectivement, la formation de la Lune est amputée aujourd'hui à une de ces collisions géantes, donc encore de la taille de Mars, qui a percuté la Terre. Une partie de la matière est partie en orbite autour de la Terre et c'est à partir de cette matière que la Lune s'est formée. Dans cette collision géante, la Terre aurait accrété les derniers 10% de sa masse. Et en fait, cette collision géante serait les grands derniers événements de la croissance terrestre. Après la formation de la Lune, après cet impact géant, la Terre aurait accrété seulement une fraction de pourcent de sa masse résiduelle. Et donc elle a gagné de la matière, de la masse, mais elle a aussi été enrichie en éléments volatiles par des impacts. Qu'est-ce que ça veut dire ? Oui, ça veut dire qu'en fait la matière qui à l'origine était dans les disques protoplanétaires à la distance Terre-Soleil était une matière très réfractaire parce que les disques étaient très chauds, donc il n'y avait pas d'éléments volatiles, d'éléments qui sont sous forme de gaz à haute température. Donc tous les éléments volatiles qu'il y a aujourd'hui sur Terre, comme l'eau par exemple, mais aussi les carbones, l'azote, etc., auraient dû être apportés à la Terre par des objets provenant du disque plus lointain. Et il faut rappeler que sans ces éléments, évidemment, particulièrement sans l'eau, évidemment, la vie n'existerait pas sur Terre. Donc c'est très important de comprendre quand, par qui, à quel moment ces éléments volatiles ont été amenés à notre planète. Donc on sait aujourd'hui, sans plus aucun doute, que c'est les astéroïdes carbonés, autrement dit aussi chondrites carbonées, qui nous ont amené ces éléments. Par exemple, ce ne sont pas les comètes. Ça on le sait parce que chaque élément a une certaine signature, qui s'appelle une signature isotopique, c'est un peu compliqué, et correspond en tout et pour tout aux chondrites carbonées. C'est différent, par exemple, par rapport aux comètes. Donc c'est des objets carbonés qui ont amené les éléments volatiles essentiel à la vie sur Terre. La question est, est-ce qu'il s'agit d'un nombre important de petits projectiles ou une unique collision, un unique projectile des masses importantes comme celle qui est supposée ici dans l'article que vous avez cité. Alessandro Morbidelli, juste un mot, la planète telle que nous la connaissons aujourd'hui, à quel moment finalement elle est devenue stable ? Elle a pris, disons, entre 60 et 100 millions d'années pour se former. La collision protolunaire qui donc termine la croissance de la Terre est datée, grosso modo, autour de 4,5 milliards d'années, donc environ 70 millions d'années après les débuts du Soleil. Alors pourquoi les scientifiques ils pensent que c'est précisément cet impact géant qui a apporté tous ces éléments indispensables à la vie ? Sur quoi ils se fondent ? Oui, il se fonde sur le fait que dans les manteaux terrestres, le rapport entre le carbone et l'azote est supérieur à celui qu'on trouve dans ces astéroïdes carbonés qui auraient dû livrer les deux à la Terre. Donc les scientifiques pensent qu'une partie de l'azote a disparu. Mais disparu où ? Selon les théories dominantes, une partie de l'azote est partie dans les noyaux. La Terre, à un moment donné, se différencie et forme un noyau de fer à son centre. Reste un manteau de silicate autour. Dans ce processus, l'azote, une partie de l'azote pourrait partir dans les noyaux, donc n'être plus disponible dans l'atmosphère ou dans les manteaux. Le problème est que le carbone devrait aller dans les noyaux davantage que l'azote. Donc en fait, par ce processus, on devrait se retrouver avec plus d'azote que de carbone par rapport aux astéroïdes qui les ont livrés. Et en fait, c'est l'inverse, on a plus de carbone que d'azote. Et alors, les scientifiques ont découvert que si la planète a énormément de soufre, et donc les noyaux qui se forment, hein, environ 40% de sa masse en soufre, ben c'est l'inverse, les carbones ne rentrent pas dans les noyaux pour des raisons chimiques un peu compliquées, mais l'azote continue à rentrer dans les noyaux, et donc à la fin, dans les manteaux, donc les compléments du noyau, on retient tout le carbone et seulement une petite fraction de l'azote. Mais le problème est que la Terre n'est pas si riche en soufre que ça. On estime que seulement 2% du noyau terrestre sont faits de soufre. Donc, de là, il est forcé de supposer que c'est une protoplanète très riche en soufre qui a apporté les carbones et l'azote sur Terre. Et cette planète étant très riche en soufre, avait tout son carbone dans les manteaux et très peu d'azote dans les manteaux parce que la plupart de son azote était déjà dans les noyaux. Dans la collision géante, les noyaux de l'impacteur fusionnent avec les noyaux de la Terre, donc en apportant son azote, en apportant son soufre, mais qu'après est dilué dans les noyaux terrestres, donc à la fin, la Terre n'a que 2-3% de soufre dans son noyau, et les carbones du manteau de l'impacteur va dans les manteaux de la Terre. Donc à la fin, on se retrouve avec un manteau terrestre enrichi en carbone et dépeuplé en azote, comme observé. Excusez-moi. Rapidement, une dernière question. Est-ce qu'on est sûr que donc cet astéroïde idéal a existé pour aboutir à ces conditions terrestres qu'on connaît maintenant ou il y a encore un doute sur l'existence de cet objet? Ouais, ça c'est le point faible de l'article parce que on connaît pas d'objets dans les systèmes solaires qui ont autant de soufre dans les noyaux. Par exemple, bon, pour la Terre, je l'ai dit, ce sont 2-3% de la masse du noyau qui est en soufre. Pour la Lune, c'est 6-8%. Pour Mars, c'est de l'ordre de 15%. Pour Mercure, c'est quelques pourcents. Quand on regarde les météorites de fer, qui sont des échantillons des noyaux d'objets différenciés, on trouve encore 10-15%. Donc avoir 40% de soufre dans les noyaux, c'est extrême, on n'a jamais vu ça. Donc évidemment, l'impacteur n'existerait plus, mais bon, ce serait vraiment un objet singulier dans les paysages de tout ce qu'on connaît dans les systèmes solaires. Et ça, c'est une réelle faiblesse de cet article. Merci beaucoup en tout cas Alessandro Morbidelli pour vos explications. Jean Prouvot, est-ce qu'il y a un mot que vous avez saisi pendant cette conversation là qui vous a titillé l'oreille? Oui, il y en a plusieurs. D'abord, l'idée de planète, parce qu'on considère souvent que les mots sont aussi des planètes autour du Soleil. J'ai entendu évoquer la Lune aussi. Alors là, se pose le problème d'ailleurs, parce qu'on disait autrefois un comète, hein, en fonction du grec, et puis on l'a transformé parce que le féminin était et. Et on disait aussi, en allemand, on dit le Lune et la Soleil. Et donc, quand vous voulez dire à un homme qu'il est beau, vous disiez vous êtes ma belle lune, et à une femme vous êtes mon beau soleil. Ouais. Donc nous ça nous interpelle un petit peu. Donc il y a beaucoup de mots comme ça qui ne manquent pas de charme et passent d'un. Merci beaucoup. En tout cas, Jean Prouvot. Merci aussi, Héloïse. On se retrouve demain avec une nouvelle une de la science. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, nos ancêtres, les Néandertaliens, étaient certainement dangereux, même à distance. Une nouvelle étude parue dans la revue Scientific Reports suggère qu'ils étaient capables d'atteindre leur proie avec leur lance jusqu'à une distance de 20 mètres. Pour le prouver, les scientifiques ont recruté des volontaires on ne peut plus qualifiés, des lanceurs de javelots. Ils leur ont fait lancer donc des répliques d'une lance de Néandertal, vieille de 300 000 ans, sur des cibles placées à différentes distances. Pour les auteurs, donc les Néandertaliens avaient une connaissance approfondie des technologies et ils étaient donc capables de chasser sans se risquer à s'approcher du gibier. Le krill, cette petite crevette des eaux froides à trop chaud, une équipe de chercheurs du laboratoire marin de Plymouth au Royaume-Uni vient de prouver que les populations de krill avaient migré de l'océan austral vers l'Antarctique, plus au sud, pour fuir le réchauffement climatique et se réfugier dans les eaux plus froides proches du continent. Les bandes crustacées se sont déplacées de 440 km, soit 4 degrés de latitude, au cours des 40 dernières années. Le krill constitue, vous le savez, une part importante du régime alimentaire de nombreux animaux. Ces données font craindre des conséquences en chaîne, évidemment, pour les équilibres écologiques de la zone. Et puis une équipe de scientifiques de l'Institut d'astrophysique des Canaries vient de livrer un cliché présenté comme l'image la plus profonde de l'univers. Les chercheurs sont partis d'une photo prise par le satellite Hubble en 2004. Ils lui ont ensuite appliqué des techniques de traitement de l'image pour éclaircir les zones obscures de la photo de départ. Et cette nouvelle vue met en évidence des zones de l'espace auparavant invisibles, y compris dans la dernière version publiée en 2012 par l'équipe Hubble et considérée jusqu'ici comme l'image la plus lointaine du cosmos. Sous quel étoile suis-je né? J'en suis encore à me le demander. Je chercherai peut-être encore lorsque sera l'heure de ma mort. bon sentier. J'en suis encore à me demander. Je voudrais ne pas regretter lorsque ça sera l'heure de ma mort. L'heure de ma mort. L'heure de ma mort. Quelle étoile suis-je né, Michel Polnareff? Voilà, celui que nous recevons est né sous le signe des mots. Jean Pruvot, notre invité pour la sortie de son dernier livre, Les secrets des mots, à la librairie Vuibert. On entendait un enfant babiller là, à l'instant. Et ça, c'est fascinant finalement, parce que c'est aussi l'acquisition du langage et comment les mots arrivent comme ça chez le petit homme. Hein. Oui, qui au début d'ailleurs, l'enfant était obligé, ça veut dire qu'il ne parle pas. Donc on voit toute l'évolution vers l'homme. Hein. Alors Jean Pruvot, ce nouveau livre, vous qui êtes professeur émérite de lexicologie et d'histoire de la langue française à l'université de Cergy-Pontoise, comment vous l'avez imaginé? Parce que vous avez déjà beaucoup écrit, beaucoup publié sur la question. Qu'est-ce que vous aviez encore envie de nous raconter? Je crois qu'il y avait à faire une sorte de synthèse qui montre notamment que les mots ont une histoire, et il faut toujours le rappeler d'où ils viennent, mais comment ils évoluent. Certains mots évoluent de manière invraisemblable en parcourant toute la planète. Mmh. Pourquoi un mot est-il fille ou garçon, puisqu'on a masculin ou féminin? Comment passe-t-il de l'un à l'autre? Comment les mots meurent-ils aussi? Alors, est-ce qu'ils meurent? Je ne le crois pas. Est-ce qu'ils sont oubliés? Il y a les archaïsmes. Comment vieillissent-ils? Et puis, écouter les mots. Alors, écouter les mots est très important dans notre langue, parce que c'est sans doute parce que, justement, ils sont difficiles à écouter, et bien qu'on a tant de jeux de mots, et qu'on joue avec les mots. Donc ça, c'est un des liens. Et ça, c'est très particulier, la langue française. On va le voir aussi avec vous dans un instant. Très particulier. Hein, Est-ce que c'est un travail très solitaire, justement, celui de lexicographe, Jean Pruvot? Alors, ça n'est pas solitaire, puisque tous les matins, on se retrouve avec des centaines de dictionnaires qui ont des auteurs et qui nous parlent et qui sont encore vivants. Ce n'est pas solitaire dès qu'on enseigne ou dès qu'on est, comme on en a la chance aujourd'hui sur une radio, où on peut expliquer les mots. Et les gens aiment cela. Et donc, non, c'est un travail de trait d'union. Comme le dictionnaire est un trait d'union, les mots, pour les expliquer, mieux les aimer, mieux les maîtriser aussi, ne pas dire n'importe quoi avec les mots, c'est nécessaire. Votre travail ressemble à quoi? Quand vous vous levez le matin, qu'est-ce que vous faites exactement, Jean Pruvot? Vous avez déjà en tête d'aller explorer certains mots en particulier? Comment ça se passe? Alors, j'ai toujours un mot, puisque j'ai des chroniques quotidiennes, donc j'ai un mot que je dois travailler, et d'emblée, alors d'abord, souvent, j'ai quand même quelques idées sur l'origine du mot, et je vais chercher déjà dans les tout premiers dictionnaires d'où il vient, j'essaie de trouver des exemples, j'essaie aussi que ce soit amusant, c'est-à-dire qu'il faut toujours finir sur quelque chose de plaisant. Je ne sais pas, je vais tomber sur journaliste. Bon, il faut raconter l'histoire du mot journaliste. Et puis après tout, une définition des verbiques russistes, ceux qui font les mots croisés, qui donnent plume de canard, c'est délicieux aussi, parce que plume, c'est tout un programme. Canard, pourquoi on a dit canard? Donc si vous voulez, ils se tiennent tous. Tout à l'heure, on entendait parler des astéroïdes, mais c'est vrai, c'est un univers. Mon professeur Bernard Quémada comparait ça à une sorte de gigantesque planétarium. Tous les mots se tiennent par un lien. Il y a des domaines entiers, des régions entières à explorer. Mais c'est vertigineux, comme d'ailleurs l'espace, finalement, l'étude des mots. Hein, c'est vertigineux. Ça ne s'arrête jamais, finalement. C'est une sorte de tourbillon dans lequel on peut ouvrir mille et un tiroirs, quand même. Ben oui, c'est un tourbillon et je mourrais sans avoir exploré tout l'univers des mots. Mais ça, c'est plutôt rassurant, c'est bien. Mais vous aurez le temps après, dans l'éternité. Est-ce que vous êtes un obsédé de l'exactitude, de Jean Pruvot, justement? Alors, j'aime retrouver l'exactitude, mais pas un obsédé, parce que justement, c'est dans les marges que les mots changent. C'est quand justement, c'est pas tout à fait sûr. Et après tout, nous, on cherche à donner une définition exacte, mais il y a toujours le poète, il y a toujours le chanteur, et il y a chacun d'entre nous qui donne une petite tonalité aux mots, et qui fait, je ne sais pas, que pour Apollinaire, le soleil s'est coucoupé dans alcool. Donc, il y a cette marge poétique. Je crois aussi à la marge poétique. Est-ce que votre souci quotidien aussi, est-ce que ça n'est pas finalement de traquer l'évolution des mots en fonction du contexte social, par exemple, politique ou historique? Ah ben, bien sûr, c'est même essentiel de repérer pourquoi, on va dire un fox, on essaie de lancer un fox au lieu de fake news. Mm-hmm. Est-ce que ça marchera, est-ce que ça marchera pas, et pourquoi? Et donc ça, c'est toujours une sorte de pari, d'ailleurs, qu'on rate souvent quand on dit « ce mot ne réussira pas », souvent il réussit. Dans l'histoire, on avait dit qu'actualité ne marcherait pas, bon, aujourd'hui on en est aux actus. Ouais. Est-ce que tous les mots ont un ancêtre commun? Comme on parle des origines finalement humaines, est-ce que là aussi on peut trouver une racine commune à tous les mots de la Terre? Ah non, alors on ne peut pas trouver une racine commune à tous les mots de la Terre, mais en revanche on appartient à une famille de langues. Hein, et donc les langues de l'Europe et quelques langues de l'Inde font partie de la famille indo-européenne. Donc ça c'est notre famille. C'est notre famille, ouais. Donc là on peut retrouver des racines. Après il y a des emprunts bien sûr, hein. C'est-à-dire on s'enrichit de mots arabes, on s'enrichit de mots anglais aussi, on s'enrichit de mots italiens. Donc les emprunts c'est difficile à prévoir, peut-être demain ce seront des mots chinois. Ouais. En tout cas ça, c'est quelque chose qui est en constante évolution. Ouais. Ce qui caractérise finalement les mots c'est leur plasticité permanente, hein. Il y a une souplesse extraordinaire finalement. Hein. Oui, alors il y a une plasticité phonétique très importante. Oui. Et puis, il y a ce sens qu'on ajoute par métaphore, par image, et qui fait que petit à petit, un mot change de sens, sans même qu'on s'en aperçoive parfois, ou parfois même devient totalement différent de son point de départ. Là, alors, j'ai donné des milliers d'exemples de ça, oui. Et c'est vraiment quelque chose de stimulant. Alors, qu'est-ce qui fait la spécificité, voire la difficulté précisément de la langue française autour des mots, Jean-Pouvot? Parce que vous en parlez évidemment longuement, on a quand même des choses tout à fait singulières dans notre langage. Oui, alors la spécialité ou la spécificité plutôt de notre langue, c'est de ne pas avoir d'accent démarcatif. Alors, ça veut dire quoi? C'est un mot un peu compliqué pour dire que par exemple, si je dis en anglais blackbird ou blackbird, c'est pas le même mot, j'accentue sur bird ou sur black. Et dans toutes les langues, beaucoup de langues, il y a un accent tonique sur la dernière syllabe ou l'avant-dernière syllabe. En français, on ne sait pas où est l'accent tonique. Si je dis anticonstitutionnellement, il y a aucune syllabe sur laquelle j'insiste. Généralement, c'est en fin de phrase, mais ça joue beaucoup. Je peux dire formidable, mais je peux dire formidable. Et donc, on voit bien que l'accent n'est pas là. Donc, la chaîne des mots est très compliquée. On ne sait pas où commence le mot et où finit le mot. Et c'est ce qui entraîne... Donc ça, c'est un vrai piège pour ceux qui veulent apprendre notre langue aussi, c'est non? C'est un piège pour ceux qui veulent apprendre notre langue. C'est un piège pour les enfants et parfois encore pour nous. Mmh. Si je dis « il parle d'une autre », je ne sais pas si c'est « une autre » ou « du nôtre ». Alors, il y a toute une série de jeux qui sont organisés pour qu'on s'y entraîne. Si on a autant de jeux de mots, c'est justement pour combattre, si vous voulez, cette difficulté. Ouais, je prends un exemple, ouais, la mitrailleuse, par exemple, on apprend aux enfants avec plaisir que ça pourrait être la mite qui raille, railleuse, ou le bouclier, peut-être le mari de la chèvre qui est attaché, vous voyez. On en a plein, comme ça, d'accent. Et les enfants, c'est une difficulté aussi pour apprendre notre langue, finalement. C'est une difficulté, alors on leur donne ce qu'on appelle des trompe-oreilles, des virelangues. Si, si sont, si près, si... Enfin, vous savez, il y a toute une série. Et dès l'école maternelle, et puis on a tous ces jeux de mots qui sont très nombreux pour nous. Alors, Jean Prévost, justement, on va écouter quelqu'un qui s'est beaucoup amusé avec les mots. C'est Pierre Desproges, mais là, dans la peau du professeur Corbigneau. Les beaux conseils du professeur Corbigneau. Aujourd'hui, comment transformer un citron en cheval de course? Alors, pour faire, c'est un tour de magie qui est très amusant. Alors, il nous faut 12 citrons. Vous voyez, nous avons ici, devant nous, 12 citrons. J'enlève prestement un citron. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ici, nous avons les 11 citrons. Ici, les 11 citrons. Ici, les 11 citrons qui vous parlent en direct du 27 pour une course de trot attelé. En première ligne, nous avons une de Mars qui couvre et revient très fort dans la dernière ligne droite. Voilà, 1981, Pierre Desproges. Est-ce que c'est un exemple de l'accent démarcatif, ça, ou pas, Jean-Pierre? Ah oui, d'une certaine manière, oui. Ouais. Léon Zitrone, bon, on joue un peu sur les phonétiques. Hein, très nettement. Mais bon, ça manque pas de charme. Ouais. Alors, vous dites à quel point il y a énormément de mots qui sont nés, justement, de cette confusion, finalement, sonore, hein, de l'oreille. Noirmoutier, par exemple, pour ceux qui nous écoutent, alors, sur l'île de Noirmoutier. Voilà, en Noirmoutier, ou tout simplement le nombril, qui est un. Mmh. Ombril, hein, c'est ombilical, ombril, et les enfants le font naturellement en disant le névier. Mais nous, on a nos mots aussi. Ou le navion, hein. Le navion, par voilà. Exemple. Et donc, c'est ce qu'on appelle d'ailleurs l'agglutination, qui est très fréquente en anglais. Le lendemain, par exemple, là aussi, oui, ça fait partie des exemples. Il y en a beaucoup, hein, voilà, pour en donner plein comme ça. En demain, on avait le lundi aussi, qui était à la date donnée, en dit, et on a la ville d'Aix aussi, ouais. Des apostrophes au départ. Donc cette agglutination, on la retrouve. C'est une fausse coupe chez les enfants, et puis chez nous, ça devient parfois un mot. Et ça sert à faire des jeux de mots, évidemment. C'est peut-être pour ça qu'on en a autant, d'ailleurs, dans la langue française, non ? Oui, justement, pour lutter contre ces fausses coupes qu'on peut faire très facilement et qui nous compliquent un petit peu la vie. Hein. Ouais. On va écouter Raymond Devos à ce sujet-là. C'était au micro d'Apostrophe. Il répondait à Bernard Pivot sur la question des jeux de mots, justement. Le jeu de mots, en ce qui me concerne, ça a toujours été un moyen d'alimenter un malentendu. Faire un jeu de mots pour un jeu de mots ne me plaît pas du tout. Ah bon ? Mais pas du tout. Seulement, si vous voulez alimenter un malentendu, il faut, surtout si ça part d'un mot, justement, qui a un double sens, eh bien, il faut évidemment, pour alimenter l'histoire, il faut se servir de jeux de mots. Sans ça, comment voulez-vous ? Oui, puis on s'ennuie autrement. On s'ennuie autrement, et puis on ne peut pas raconter l'histoire, finalement. Par exemple, la mer démontée, je vous demande pardon, mais ce n'est pas pour jouer sur le mot que j'ai, c'est simplement pour établir un malentendu. Monsieur, je voudrais voir la mer, vous ne pouvez pas les démonter. Oui. Mais non, mais alors, vous la remontez quand ? C'est tout. C'est parce que ça y est, alimente un malentendu. Voilà. Est-ce que les humoristes vous inspirent beaucoup dans votre travail de lexicographe, Jean Prouvot ? Ah oui, presque systématiquement. À la fin d'une chronique, je cherche le mot d'un humoriste. Parce que en définitive, il y a le calembour aussi qui est extrêmement présent chez nous. Et que les écrivains eux-mêmes ou les auteurs lancent. Quand Godard dit dans Yougoslavie, c'est un peu creux, je trouve, il y a gosse et la vie. Mais on voit bien qu'il est touché par ces fausses coupes. Et qu'il va les rechercher comme un réflexe d'enfant. Ouais. Vous avez le sentiment qu'on s'amuse toujours autant avec les mots aujourd'hui ? Ah oui, je le crois. En tout cas, il suffit de prendre le RER pour voir parfois des gens même qui font calembour sur calembour. C'est presque fatigant, mais en même temps, bon, c'est délicieux. Allez, on se retrouve dans un instant. Jean Prouvot, toujours autour de cet ouvrage, Les secrets des mots, publié à la librairie Vuibert. Et juste après, William Zivilen. Something beautiful. Something beautiful. Something beautiful, William D. Villain. Dans la R&B, les mecs, ils font mieux, ils inventent des mots. Des mots qu'on connaissait pas en France. Pour que ça fasse plus... Tu sais, les mecs ils sont là, ils commencent la chanson, ils font « Moi je stoppe sur mon flex. » Un flex, ouais. Quand je stix ma vibe, le dance floor se break, c'est ce flux dans la vibe. De quoi ça s'agit? C'est une ordonnance! Voilà, Gad Elmaleh, extrait de la chanson R&B dans son spectacle L'autre c'est moi. Alors, c'est assez juste finalement ce qu'il dit là. Ah bah oui, bah par exemple, les jeunes lancent le mot qui est plutôt sympathique, c'est trop d'art. Ouais. Alors d'art, c'est chaudard en fait. Ouais, ouais. Bon, lason pour la prison. Et puis dans le rap, ça fonctionne mieux avec une syllabe parfois, donc c'est créateur parfois de mots. Bon, ce qu'on appelle d'ailleurs des affaires, c'est-à-dire des abréviations par le début du mot, comme on dit le piten, le requin, ouais. Le car, pour évidemment l'autocar. Comment vous arrivez à vous mettre à la page tout le temps? Alors Jean Prouvot, justement, vous allez laisser traîner vos oreilles partout? Ah, écoutez, j'ai entendu une excellente émission sur le sommeil il y a quelques jours. Ouais. Je dors assez peu, mais très bien, à 4h30 ou 5h. Non, mais justement, pour prendre ces mots-là qui viennent. Ah oui, de, ah bah alors, écoutez, certains artistes, la radio, certains groupes sociaux. Bon, la radio, bien entendu, les journaux, tout ça, les réseaux aussi sociaux, nous alimentent l'actualité, nous alimentent ouais. En mots. Hein. Bon, d'un seul coup, on entend parler des gilets jaunes. Avant, il y avait le gilet rouge, qui était les romantiques avec Théophile Gautier au début du 19e, donc on voit bien que chaque fois il y a quelque chose qui s'ajoute. Le mot gilet lui-même est toute une histoire. Ouais. C'est quoi l'histoire du gilet alors? Ah bah gilet, ça vient du turc Yelek, qui était la camisole que mettaient les galériens chrétiens. Sans bras, et puis petit à petit c'est passé en langue arabe, et c'est arrivé en langue française, et puis il y a eu les gilets rouges, et les gilets, même on les appelait comme ça, qui étaient les romantiques, dans la fameuse bataille d'Hernani avec donc Théophile Gautier, avec son gilet de satin rouge, Et, alors, et les gilets jaunes alors, est-ce que ce mot pourrait faire une rentrée très rapide dans le dictionnaire ou pas? Ah ben, c'est exactement comme chimiquier, que personne ne connaissait, grand bateau qui va échouer près de la Bretagne, d'un seul coup, bon, il faut que le mot rentre, gilet jaune entre obligatoirement, puisque c'est la fréquence, hein. C'est pas le point de vue politique ou autre, c'est la fréquence du mot qui fait qu'il entre ou non. On peut être d'accord, pas d'accord, on peut trouver le mot pas beau, l'idée bonne ou mauvaise, le mot existe. C'est fascinant ça d'ailleurs, du point de vue aussi de l'appropriation sociale d'un mot. C'est-à-dire qu'on voit l'émergence très récente finalement des gilets jaunes, et à quel point aujourd'hui il est repris partout dans les médias, mais également dans nos bouches. Oui, c'est ça. Plus une conversation quasiment... Oui, c'est ça. Et alors, ça devrait durer, parce que là, ça c'est marqué un peu dans l'histoire, mais parfois, ça disparaît aussi très vite. Je me souviens du mot vacancier qui avait fait polémique. On ne voulait pas du mot vacancier. Tous les puristes disaient, mais c'est affreux, on a estivant. C'est un mot très laid, disait-il. Ouais. Aujourd'hui, on a oublié estivant, et puis vacancier, c'est l'hiver, c'est pas forcément l'été, c'est l'hiver, l'été, enfin toute saison, donc le mot avait son sens. Ouais. Comme actualité, on lit quelque part que ce mot n'a aucune chance de réussir, bon, la personne en question est un très bon lexicologue, mais il valait mieux pas le dire. Des mots émergent toujours des grands mouvements sociaux, Jean Prouvot, a priori? Oui, en général, oui. Hein. On voit bien, par exemple, que même quand on déteste un mot, enfin, je pense à fake news, qui a été lancé, dans le fond, plus ou moins par Trump. Ouais. Ce mot-là, bon, on l'a repris tel quel, parce qu'on ne savait pas trop comment le traduire. Bon, la Délégation Générale à la Langue Française, Défense de la Langue Française, qui est aussi un organisme qui travaille beaucoup pour trouver des équivalents, eh bien, ont proposé un fox. Bon, alors, je l'entends sur France Inter, une infox, c'est assez moderne, ça passe bien. L'Académie, contrairement à ce qu'on imagine, fait des belles propositions. Elle ne fonce pas, évidemment, c'est pas son rôle. Pourquoi contrairement à ce qu'on dit? Non, mais parfois, on elle entend dire d'une mauvaise lente. Réputation. Non, on dit elle est lente, mais parfois, pour les mots, il faut attendre un peu aussi. Hein. Oui. C'est ça, c'est le temps de l'appropriation. Oui, c'est ça, c'est ça. Et en fait, ça fait quand même 9 éditions, avec une observation attentive de la langue et des définitions magnifiques. Ouais. Par exemple, vous parlez du selfie dans l'ouvrage. Les Québécois, eux, préfèrent l'égoportrait, par exemple. On a bien du mal à imaginer qu'en France, on parle d'égoportrait tout d'un coup, alors que le selfie est tellement passé déjà dans le langage courant. C'est difficile, on a parlé aussi d'autophoto, d'autoportrait numérique. Mais parfois, on arrive trop tard. Selfie est installé. Oui, puis ça va vite. Puis self était déjà dans la langue. Self-gouvernement. Government en 1876, Self-Défense, Self-Made Man entre en 1878 dans nos dictionnaires, donc Self-Control, Self-Service. Mm-hmm. Alors Selfie n'a pas eu trop de mal à s'installer, tant pis, c'est un mot anglais, il va être difficile à remplacer. Ouais. Bon. Est-ce que les mots raccourcissent aujourd'hui sensiblement, comme par exemple les caractères qu'on nous impose sur certains réseaux sociaux, ou la rapidité aussi du temps qui fait que voilà, on a besoin aussi d'être accompagné par des mots vifs. Oui, alors ça, je crois que c'est presque éternel. La langue va à l'économie. Donc, on raccourcit le mot, et plus il est fréquent, plus il sera raccourci. Cinématographe, ouais. Cinéma, ciné. Il y a un moment donné, on ouais. peut plus dire, allez aussi, encore qu'on a entendu tout à l'heure quelque chose de plaisant avec le lex, le flex, etc. Bon. Ouais. Donc, ils raccourcissent, forcément. Souvent par la fin du mot, mais parfois par le début. Hein, le leur, pour le contrôleur. Ouais. Bon, alors c'est souvent en argot au début, puis parfois ça s'installe. Vous apprenez souvent de nouveaux mots, Jean Prévost ? Très souvent, par le rap d'ailleurs, où là, d'un seul coup, je découvre des mots, j'ignorais tout. Mais qu'est-ce que vous avez appris par le rap alors ? Bah, le mot bendo, par exemple. Et celui-là, vous l'avez retenu alors ? Oui, parce que je l'ai travaillé pour comprendre un peu d'où il venait. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous en avez appris finalement ? Il est apparu quoi, dans le rap en 2015, c'est ça à peu près ? Oui, c'est à peu près ça. Ouais. Et donc, c'était une sorte de rap qui avait beaucoup de succès. Et quand je cherche d'où vient le mot bendo, alors, je remonte à une histoire extraordinaire, parce que ça vient de l'indo-européen. C'est-à-dire cette langue, cette famille de langues, cette première tribu qui a parlé, donc, il y a plusieurs milliers d'années avant le grec, le latin, et toutes les langues de l'Europe sauf le basque, qui viennent de l'indo-européen, hein, donc, il y a très longtemps. Et il y avait ba, qui veut dire une proclamation. Ça passe en germanique, qui est une des langues indo-européennes. Ban, qui veut dire autorité. Et puis, ça passe en latin, et puis finalement en français. Et ça devient le ban. Je convoque le banc et l'arrière-banc, c'est-à-dire l'autorité première autour du château qui a sa bannière, ça vient de là aussi, l'arrière-banc un peu plus loin. Puis je peux aller jusqu'à la banlieue qui se trouve à une lieue du banc. Ouais. Et puis je vais jusqu'au four banal qui est le four appartenant au banc. Le paysan n'avait pas les moyens de se le payer. Ou le taureau banal, d'où l'adjectif après banal. Et puis finalement arrive le mot abandon, le bandon étant le pouvoir, et être abandon, bah, c'était être soumis au pouvoir. Et donc, on se retrouve tout seul. Ça passe en anglais. Ouais. Abandon en un mot. Abandoned. Abandoned house. Maison abandonnée. Ça passe aux États-Unis. Ça devient bando. Et ça nous revient dans le rap. Le bando. Et quand on demande au groupe ce que ça veut dire, dire en gros, c'est entre nous dans la banlieue, bah, il n'y a pas totalement tort. Et c'était marqué dans l'histoire du mot. Et il y a une chanson qui s'appelle Dans le bando, ah bah, évidemment. Oui. MZ. On est dans le bendo, avec les tasses petit bendo. Davidson est dans le bendo, pas de musique dans le bendo. Je mets ma veste que mes grands frères pour la rentrée. Je représente mon bloc même dans la cour de récré. À chaque retour de vacances quand on me demande où j'étais, je réponds je suis resté au quartier. J'ai squatté Paname tout l'été. Dans le bendo, dans le bendo, dans le bendo, dans le bendo. Voilà, dans le bendo, un mot que vous avez retenu pour justement cet ouvrage, Les secrets des mots. Est-ce que vous êtes allé le raconter, justement, toute cette histoire, son origine au rappeur, Jean Prévost, vous avez l'occasion de les croiser? Oui, à travers Move, donc j'ai pu raconter ce mot. Ça leur plaît. D'ailleurs, tout le monde est intéressé par les mots. Ouais. Mais c'est cette histoire aussi, c'est ces allers-retours permanents. Oui, là, vous nous dites quand même qu'il y a eu une traversée de l'Atlantique et... Dans le fond, on est passé de l'indo-européen au rap. D'autres mots vont venir, qui seront dans la politique, qui seront dans d'autres domaines, et on se rend bien compte qu'un mot vit, voyage. Alors, je ne dis pas qu'il meurt, il s'éteigne. Puis ils reviennent. Ouais. Et quand j'évoque le banc et l'arrière-banc, ben, on relance aussi la formule. Ouais. Hein. Un mot se revivifie en permanence. Ouais. Le perlimpinpin ou la carabistouille. Les carabistouilles. Bon, là, ce sont des mots, évidemment, de notre président. Et il manque pas de charme, parce que carabistouille, c'est un mot qui vient de Belgique. Et la poudre de perlimpinpin a relancé ce mot. Il y avait aussi le broutard, je crois. Ouais. Bon, celui qui est un peu comme un bovin, un bovidé. Moi, j'aime quand on relance le vieux mot. Ça leur redonne vie, ça fait parler et ça nous rapproche les uns des autres. Jean Prévost, notre invité cet après-midi dans La Tête au Carré avec les secrets des mots à la librairie Vuibert. On vous retrouve dans un instant pour la dernière partie de l'émission. Sourire du soir, moi sophistiqué en peignoir, Juliette Armanet. On dépouille d'abord et avant tout la presse. La presse quotidienne, c'est le témoin de la langue française vivante. Sur quelques 50 000 mots repérés, surlignés et répertoriés chaque année, seuls une centaine sortiront du purgatoire, graciés par leur usage, leur fréquence d'apparition. C'est le cas du mot « novlangue » qui fait son entrée cette année après 12 ans de liste d'attente, et ce n'est pas une exception. 19h30, le journal Gilles Bessec. Plus de 70 départs de feu ont été enregistrés. C'est souvent qu'on dit un départ de feu. Plusieurs les incendies, on l'a pas. Un néologisme par-ci, une expression journalistique par-là, les linguistes ont le coup d'œil et l'oreille aguerrie. Fort de leur arme favorite, la plume et le cahier, ils traquent aussi les mots familiers de la rue. Red dingue de chaussures, alors là, c'est... Ah oui. Aussi dingue soient-elles, les nouvelles technologies fleurissent aussi vite qu'apparaissent leur vocabulaire. Et de plus en plus, la difficulté pour les lexicographes est de faire la différence entre mode et institution. Car le dictionnaire se veut Bible. Que les Français se rassurent, aucun mot n'échappe à ses apôtres. Même un menu de restaurant nourrit leur appétit de chasseurs de mots. Voilà comment, en un coup de fourchette, le guacamole se retrouve à la carte du premier dico du siècle. Et c'était 1982, ça, Jean Bruveau. Hein. Le guacamole est arrivé en 1982 dans le dictionnaire. Et là, on avait toute une façon, justement, de voir comment vous travaillez, hein, précisément. Et bah, les actualités, évidemment, sont là pour vous, oui, vous donner vraiment, des indications. Le casque sur l'oreille et puis le crayon à la main. Ouais. Dans votre livre, Les secrets des mots, il y a plein de choses. Vous abordez également les anagrames. Hein. C'est des anagrammes des noms, ça, c'est amusant, ça, toujours. Ah, c'est délicieux. Hein. C'est les mêmes lettres, mais dans un autre ordre. Anna, hein, dans le désordre, gramme. Alors ça donne des choses assez curieuses parfois. Je ne sais pas, par exemple, ministre donne intérim. Bon, ouais. C'est vrai qu'on n'a jamais des ministres qui durent très longtemps. Bon. Pascal Obispo. Oui. C'est étonnant de le voir cité dans votre livre. Pourquoi ? Alors là, bon, c'est assez merveilleux puisque finalement ça donne comme attendez que je retrouve Anagramme. Pablo Picasso. Oui. Et ça n'est pas voulu. Ouais. C'est vraiment le hasard. Alors il y a les anagrammes choisis et les anagrammes vraiment qui sont convenu. Ouais. Charles de Gaulle, par exemple, usait lui-même d'un anagramme très simple. Quand il a écrit des poèmes, c'était de la gueule. Voilà, Charles de la gueule. Et donc, on a eu du mal à repérer qu'il s'agissait de Charles de Gaulle. Et puis Marguerite Yourcenar, Marguerite de Crayoncourt, bon, ça c'est assez connu. Hein. Il y a plein de mots qui vous intéressent, Jean Prouvot. Parlez-nous du mot baignade, par exemple. Alors, le mot baignade, contrairement à ce qu'on imagine, n'a pas commencé de manière merveilleuse. Bon, on imagine tous la baignade dans la rivière ou dans la mer. Mais en réalité, il a longtemps eu une connotation très négative au moment de la Révolution, où il y avait assorti au mot baignade ces barques dont le fond s'ouvrait au milieu de du fleuve ou de la rivière, et où les Vendéens, les Chouans, étaient noyés, liés entre eux. Et donc, baignade a mis un certain temps à reprendre en quelque sorte du souffle. Quand on a oublié cela, on a pu reprendre le mot baignade au sens fort. Il faut combien de temps pour oublier ce type de mot, par exemple? Il faut plusieurs décennies. Ouais. Hein, il faut qu'il y ait une génération qui l'ait complètement oublié, que ça n'ait pas été transmis. Est-ce que vous avez votre anagramme, vous, Jean Prouvot? Je ne l'ai jamais trouvé. L'appel est lancé, en tout cas. Il y a des spécialistes comme Étienne Klein qui, je suis sûr, pour en faire quelque chose pour vous. Vous avez le vôtre. Oui, moi j'ai le mien. Mathieu Vidard, c'est Audimat d'hiver. Voilà, c'est formidable. C'est pas mal, pour quelqu'un qui travaille à la radio. Très joli. Le genre des mots, Jean Prouvot, les allers-retours, là aussi, entre le masculin et le féminin, alors ça, c'est amusant, quand même. Il y a eu beaucoup, quand même, de mouvements, là aussi. Oui, alors il y a des mots que l'on découvre au masculin autrefois et qui passe au féminin. Par exemple, contre toute attente, ça a été un automobile pendant un certain temps, puis c'est devenu une automobile, et le Petit Larousse, en 1905, le range au masculin. Ouais. Automne a mis longtemps à devenir masculin. Puis on a ces mots qui n'ont pas encore choisi. Après-midi, on peut dire un les ou deux, une. Hein. Puis alors, il y a les mots qui, carrément, étaient féminins, sont devenus masculins, et masculins sont devenus féminins. Ouais. Alors, je sais pas, par exemple, un affaire, ça peut paraître curieux, c'est un affaire sérieux, il a fait un étude sérieux. Bon, voilà des mots qui ont été féminins pendant un certain temps. Ouais. On va écouter, justement, un reportage qui date de 1985, avec Benoît Groult, qui s'occupait, justement, à l'époque, de la féminisation, absolument, des noms de métiers. Comment appeler les métiers masculins exercés maintenant par des femmes? Le vocabulaire jusque-là n'était pas très adapté, il était plutôt macho. Yvette Roudy, le ministre des droits de la femme, a créé une commission spéciale pour inventer de nouveaux termes. Eh bien, c'est fait. Écoutez les quelques changements proposés par Benoît Groult, la présidente de cette commission. On a donné notre préférence, on a dit quelle était la règle grammaticale, et quelquefois on a laissé le choix entre deux ou trois formes, parce que les fameux mots en heure ou en teur, comme docteur, proviseur, professeur, c'est très difficile à féminiser. Alors justement, vous êtes écrivaine, est-ce qu'il y aura des coureuses, est-ce qu'il y aura des ministresses? Il n'y aura pas de ministresse pour la bonne raison que le mot ministre nous fait la grâce d'avoir un homme à la fin. Et il y a des institutrices et il y aura des rectrices d'université. Oui, c'est tout de même incroyable qu'on soit directrice d'école maternelle, mais qu'en montant dans le prestige, au niveau hiérarchique, on n'ait plus le droit d'être madame la rectrice, qu'on devienne madame le recteur. De même qu'on est doyenne si on est centenaire, et on n'a pas le droit d'être madame la doyenne d'une université. Et alors, aujourd'hui, on en est où, véritablement, avec cette question de la féminisation des noms de métiers? C'est ancré dans les habitudes ou c'est quand même difficile, hein? Ça reste un débat, et notamment en tant qu'éditeur, je laisse dans le fond les personnes choisir, parce que certaines veulent être auteurs, masculins, d'autres auteurs, E-U-R-E. Moi, j'ai une préférence pour garder le masculin dans ce cas-là, mais pourquoi autrice, parce que c'est plus économique au pluriel, mesdames et messieurs les auteurs. Sinon, je suis obligé d'avoir cette parenthèse qui n'est pas très belle. Je ne parle pas de l'écriture inclusive qui est quasiment illisible. Donc, bon, et puis, il y a un côté conservateur aussi de temps en temps sur certains mots parce qu'on les a appris comme cela. Hein, et donc, mais ça, c'est pas une raison. Non, mais je reconnais là. Ça peut changer comme la société change aussi, Jean Prouvot. Oui, exactement. C'est pour ça qu'entre moi-même et mes enfants et mes petits-enfants, il peut y avoir des différences, et que un professeur peut attraper un E, alors il faut laisser Mais les exemples l'usage. Cités par Benoît Groult sont quand même assez étonnants. Bien sûr, ça plonge dans les hiérarchies, et moins on arrive à féminiser les noms de métiers. C'est quand même incroyable, ça. Oui, mais parce que en même temps, on repérait la fonction en dehors de la personne. C'était cette histoire du masculin neutre. Après tout, ça a un sens. Je suis assez ouvert, moi, pour comprendre les positions des uns et des autres. Par exemple, défense de la langue française a pour devise, ni purisme ni laxisme. Mais je suis assez dans cette mouvance. Bon, il faut laisser faire l'usage. L'usage tranchera au bout d'un moment. Vous savez, quand on a longtemps hésité entre un automne et une automne, trancher était difficile. Puis finalement, l'usage a tranché. Quand on a hésité, on disait un amulette. On a dit une amulette. On disait aussi un erreur. On a dit à un moment donné un dent. L'usage a tranché. Au bout d'un moment, il n'y a plus d'histoire. Mmh. Alors parfois, il y a le masculin et le féminin. Espace, par exemple, très peu se souviennent et mettent en vigueur le fait que c'est un espace intersidéral, un espace merveilleux dans lequel nous sommes avec les micros, mais c'est une espace quand il s'agit de du blanc entre deux lettres. Ah bon? Et oui, on dit il manque deux espaces, espace comprise. Et là, bon, c'est une faute que tout le monde fait. Avec tout le monde. Ouais. Alors peut-être qu'un jour ça va disparaître. Je le vois encore moi de temps en temps. Des gens qui m'écrivent, il y a deux espaces comprises ici. Incroyable. Moi j'ai mis à peu près 40 ans avant de repérer que c'était un féminin. Alors, on va essayer de s'y mettre. Alors voilà la dès aujourd'hui. Est-ce qu'il faut avoir une bonne oreille pour être lexicographe, Jean Prouvot ? Oui, je le crois. Ouais. Je le crois, puisque la phonétique joue son rôle. Et notamment dans les agglutinations, on l'a vu. Ouais. Pour le névier, le navion, le nombril, ou le lierre, lierre. C'était L'IE2RE. Alors, c'est le fait d'ailleurs de ne pas écrire qui entraîne parfois la modification du mot, parce qu'on écrit ce qu'on entend. Ouais. Et vous êtes musicien ? Oui, j'aime jouer de la guitare. J'en joue demain sur une péniche en racontant l'histoire des mots. C'est vrai, ben voilà. Mais est-ce que ça vous aide justement à mieux travailler les mots, justement, le fait d'avoir aussi le sens de la rythmique ? Ben, je le crois. Je vois que Claude Agel jouait beaucoup de violon aussi. Donc, on a affaire à une sorte d'écoute des mots. Il faut que ce soit harmonieux. Bon, moi, je suis sensible aux mots harmonieux. Ou au rythme. Le rythme, c'était dans le rap ou dans le rock. Et c'est bien qu'on chante le rock en français aussi. Quel est le mot qui vous a fait le plus de misère dans votre parcours, Jean Prouvot ? Alors parfois, j'ai longtemps hésité pour dessiner avec un N ou deux N. Je ne devrais pas le dire à la radio parce que c'est presque scandaleux. Après, il y a des mots que je trouve merveilleux. L'antiponer, par exemple, l'antiponage, c'est être lent. Et poney se poser lentement. C'est un peu parler dans le vide. J'espère qu'on n'a pas l'antiponey aujourd'hui. Mais j'aime bien l'antiponage au moment où tout va trop vite. Eh bien, cessons de parler et lisons plutôt cet ouvrage qui s'appelle Les secrets des mots et que vous publiez à la librairie Vuibert. Vous en êtes l'auteur, Jean Prouvot. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mathieu. D'être venu à la tête au carré. Voilà, c'est terminé pour cette tête au carré. Merci à Florent Beauvallet qui était à la technique, Céline Hila pour la réalisation et Thierry Dupin pour la programmation musicale de l'émission. Dans un instant, bien sûr, c'est Affaire Sensible, le retour de Fabrice Drouel. Bonne journée et à demain. Demain, dans l'émission, le prix Nobel de physique, Gérard Mourou sera notre invité.